Chapitre 8e. Des gens inquiets. Alors, jugeant que pour aujourd'hui ils avaient suffisamment accompli leur tâche, et qu'après avoir voyagé dans le sous-sol de Paris pendant 4 ou 5 heures, ils avaient le droit de respirer un peu l'air frais du petit matin, et ensuite d'aller se coucher tranquillement, tous deux à pied prirent la direction de leur demeure. Ils descendirent jusqu'à la Seine par le boulevard Saint-Michel, passèrent les ponts, s'engagèrent dans le grouillement des halles, gagnèrent la rue Montmartre. Après s'être restaurés quelque peu dans un débit de vin, où viennent les camelots et les porteurs de journaux en attendant les premières livraisons, ils finirent par gagner leur demeure, leur appartement, sans autre aventure. Toutefois, avant de se coucher, Paulin Broquet laissa pour Jules, son valet de chambre, un mot à porter à la première heure chez Lamorce. Lamorce eut cette note une demi-heure à peine après le retour de son chef. La note lui disait « Voir maison boulevard de Port-Royal. Tel numéro. Anglais à grande barbe. Je soupçonne être Storm Twig. » Et il donnait quelques détails pour lui faciliter la tâche. Dans la soirée, Lamorce rendit compte à Paulin Broquet de sa mission. Le locataire parlant anglais était le docteur Hooger, qui venait de Londres pour faire une visite d'études dans les laboratoires et les hôpitaux de Paris. Le docteur ne sortait que pour ses études ou pour rendre visite à quelques savants confrères. Il recevait de rares amis, menait en somme une vie normale qui ne pouvait faire naître aucun soupçon. Son service était fait par un valet de chambre et une cuisinière anglais. Ne parlant pas français, il ne pouvait se mêler aux conversations, aux discussions et aux potins du voisinage. Au demeurant, tous deux avaient su conquérir les sympathies de tous les gens de service d'alentour. Le savant docteur Hooger avait, à Paris, de belles relations. Souvent venait le voir un jeune et fringant gentleman qu'on appelait le prince. « Le prince !» s'écria Paulin Broquet quand Lamorce lui dit cela dans son récit. « Quel prince ? Est-ce un surnom qu'on donna ce gentleman ?»« Non, chef. Il paraît que c'est un véritable prince, étranger, bien entendu, un russe, à ce qu'on m'a dit. »« Un russe. Tu n'as pas pu savoir son nom ?»« Pas possible aujourd'hui, non, chef. » « Bien, mon garçon. Mais il faut que demain, sans faute, tu saches comment s'appelle ce prince. C'est très important pour moi. »« Bah, chef, on le saura. » »« Maintenant, continue. Qui vient encore voir cet illustre docteur ? Pas de femme ?»« Pardon, chef. Une jeune femme qu'on dit très belle, qui porte un bandeau lui cachant une joue. Elle a, dit-on, été blessée. » »« On n'a pas pu me dire comment. » »« Le docteur Hooger la soigne. » »« Comment est-elle, cette femme ?» « Les gens ne la voient que quand elle descend de voiture, qu'elle traverse le trottoir, ou qu'elle passe dans le petit jardin qui se trouve dans la maison. On n'a pas pu bien la voir ?»« Pas très bien. Elle a son bandeau sur la joue et elle porte de très grands chapeaux. Elle est toujours très bien habillée. Cependant, la concierge, quelques gens de la maison avec qui j'ai pu causer, m'ont dit qu'elle devait être très jolie. Elle a, paraît-il, des yeux noirs, très beaux, et ce qui lui donne du caractère, faisant opposition avec les cheveux blonds très dorés, chauds, comme roux. « Ah !» fit le détective. « Les uns l'appellent la princesse, et prétendent qu'elle est la femme ou la maîtresse du prince. » Lamorce ajouta. « D'autres l'appellent aussi, savez-vous comment, chef ? La femme rousse. C'est curieux comme coïncidence. »« C'est curieux, en effet. » Paulin Broquet ajouta. « Mon garçon, tâche de m'avoir le plus tôt que tu le pourras le nom de ce prince. » Donner un pareil ordre à Lamorce, c'était lui dire qu'il fallait le nom tout de suite. Dans la soirée, comme Paulin Broquet se trouvait dans son cabinet avec Gabriel et Simon, parlant de diverses affaires, Lamorce parut. « Chef, dit-il, j'ai le nom. »« Le prince Grégoriski, fit Paulin Broquet, est-ce cela ? » Lamorce, très étonné, demanda « Vous le saviez, chef ? Et vous m'envoyez le demander ? Je ne le savais pas, je le supposais seulement. » J'ai voulu en acquérir la certitude. Tu me donnes l'assurance que je ne me trompais pas. Merci, mon garçon, tu as bien travaillé. » Alors il dit à ses hommes, « Le prince Grégoriski, mes amis, est l'amant de la femme rousse. Non de notre femme rousse à nous, de cette ravissante et mystérieuse Miss Hayden, mais de cette femme aux cheveux teints qui nous est apparue pour la première fois sur la place de Clichy, au moment de la mort de cette pauvre petite danseuse Bianca. » Il ajouta, cette blessure qu'elle cache avec ce bandeau qui la défigure n'est pas due à un accident. C'est Miss Hidden qui la lui a faite d'un coup de cravache. J'ai assisté à la scène. Ma pipe me conduisait. C'était à ce moment que, pour la première fois, j'ai entendu prononcer le nom du prince Grigoriski. Vous comprenez maintenant quel intérêt j'avais à connaître vraiment le nom du prince ami du docteur anglais. Il ajouta. Résumons la situation. Ainsi, voilà Tom Twee qui, sous le nom de docteur Hooger, habite un appartement dans une maison dont une des caves donne sur les catacombes. Le docteur Hooger, qui en tant que Tom Twee pratique un tout autre art que celui de la médecine, est l'ami de la femme aux cheveux teints roux, l'ami du prince Grigoriski. Quelle magnifique indication, et comme dès maintenant nous tenons la filière. Paulin Broquet déclara nettement. Car mes amis, il faut que vous sachiez que le prince Grigoriski est tout bonnement zygomare.